compris ces petites glandes de meibomus, elles sont à l'intérieur des paupières. Et donc, les crayons qu'on met. Oui, alors il faut éviter de toucher à l'intérieur pour éviter d'abord les risques d'infection et pour éviter l'inflammation qui pourrait augmenter la sécheresse oculaire. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Gérald. On vous retrouve demain, Gérald, bien sûr. On sera tous là demain et d'ici là, prenez soin de vous. Elisabeth Assayag, à demain. À demain. Dans un instant, on va retrouver Anne Roumanoff pour Ça pique, mais c'est bon. J'adore ce titre, Anne. Merci, Julia. Aujourd'hui, on reçoit un invité, c'est Régis Aspalès. Tous les mercredis, on recevra un invité. Oui. Et aujourd'hui, avec nous, on a Chris Deslandes et Christine Béraud. D'accord. Et Régis Aspalès. Voilà, on va faire un canular. D'ailleurs, on va appeler au théâtre de Régis Aspalès pour réserver des places, lui et moi. Ah bon, d'accord. En demandant s'il y a Philippe Chevalier dans la pièce. Eh ben, tiens. On vous écoute à partir de midi. À tout à l'heure. Je vous dis donc à demain et je vous laisse avec Anissa. Bonjour Anissa. Bonjour Julie, bonjour à tous. À l'antenne jusqu'à quelle heure Anissa? 16h. Maxime Switek, c'est à vous maintenant pour les titres d'Europe Midi. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Europe Midi tous les jours, 12h30, 13h15, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité. On va se retrouver dans une demi-heure à midi et demi. Nous serons bien évidemment en Italie après ce violent séisme qui a frappé le nord du pays. Tout au long de la matinée, le bilan s'est alourdi. Les autorités italiennes viennent d'affirmer qu'il y a au moins 37 morts et de nombreux disparus, au moins 37 morts. Nous serons sur place et vous entendrez les témoignages terribles des habitants des villages touchés. À 12h30, également, le plan du gouvernement pour sécuriser les écoles, les collèges, les lycées face à la menace terroriste. Ce plan, il a été présenté ce matin. Il prévoit notamment de renforcer la surveillance autour des établissements scolaires. Il prévoit aussi pour tous les élèves des exercices, des simulations d'attentats. Et cette idée-là, elle fait débat. Beaucoup de parents craignent que l'on fasse peur inutilement aux enfants. Dans une demi-heure, nous parlerons aussi de cette canicule qui se poursuit et que vous subissez sans doute. Toujours 14 départements vigilance orange. Plus de 35 degrés cet après-midi à Paris, à Bordeaux. Et puis une enquête tout à l'heure, enquête européenne sur les législatives. Elles auront lieu dans 10 mois, mais vous verrez que comment certains ministres tentent de se dégoter une circonscription facilement gagnable de préférence. Il y aura aussi du sport dans Europe Midi avec une des conséquences des JO et de la moisson de médailles récoltées par les boxeurs français. Les clubs de boxe croulent sous les appels. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous Anissa dans une demi-heure. Je vous rappelle le nouvel horaire. Europe Midi, 12h30, 13h15. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'était Maxime Switek. Et tout de suite, place à Anne Roumanoff et toute sa joyeuse bande. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon, mais c'est bon. C'est bon, mais c'est bon. Anne Roumanoff. Bonjour à tous, nous sommes le 24 août 2016, 237e jour de l'année. Aujourd'hui, nous fêtons les Barthélemy et les Nathanaël. Est-ce que vous connaissez des Barthélemy et des Nathanaël? Non, je sors peu. Bienvenue dans Ça pique, mais c'est bon, l'émission qui assaisonne l'actualité. Tous les mercredis, nous recevons un invité et nous sommes très heureux d'accueillir ce midi un des barbus les plus célèbres de France. Sa barbe pique, mais c'est un très très bon acteur. Il est notre invité pour une demi-heure, la moitié d'un des duos les plus célèbres de France, Régis Aspalès. Bravo. Bonjour. Avec moi aujourd'hui autour de cette table, celui qui dressera un portrait assaisonné de Régis Aspalès, Chris Deslandes. Bonjour à toutes. Et une femme, une jeune femme, enfin elle est plus toute jeune, mais elle a gardé une voix d'enfant, Christine Béroux. Bonjour, bonjour à tous. Régis Aspalès, avec votre complice Philippe Chevalier, vous êtes les Souchon et Voulzy de l'humour, mais c'est en solo que nous vous recevons ce matin à l'occasion de la pièce À droite, à gauche, écrite par Laurent Ruquier, que vous jouerez à partir de la mi-septembre aux côtés de Francis Huster au Théâtre des Variétés. Bonjour Régis. Bonjour Anne. Qui fait Souchon, qui fait Voulzy? Ça, j'avais jamais fait le rapprochement, mais moi je chante un peu faux de toute façon. Alors. Voulzy aussi. Ça doit vous faire bizarre, Régis Aspalès, de changer de partenaire quand même. Francis Huster, ça change de Philippe Chevalier. Oui, bien sûr, oui, mais bon, c'est le théâtre, le rôle qui veut ça. Voilà, c'était l'occasion. Ça se passe bien avec Francis? Très bien, il est super, super sympa. C'est un grand, évidemment, le grand acteur qu'on connaît, mythique et mytho. une bête de scène. Hein. Alors je vais apprendre des choses en l'observant. C'est vrai? Vous allez apprendre puis, à avoir des beaux yeux bleus? Et ben, puis je crois que je vais le faire un petit peu rire aussi. Est-ce que vous auriez le numéro de téléphone de Francis Huster, éventuellement? C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Ah oui. Bon, je vous le donnerai, alors. Avec plaisir. Régis Laspalès, Chris Deslandes a dressé votre portrait. Oui. Ah, vous connaissez Chris Deslandes? Bien sûr. On se connaît. Bien sûr, on a vécu ensemble. Régis Laspalès. Ah. Régis Laspalès. Oui, je répète votre nom parce que pendant des années, j'ai naïvement cru que votre prénom, c'était Chevalier. Chevalier Laspalès. Mais non, votre prénom, c'est Régis. C'est juste. C'est juste. Ce midi, j'ai un peu la pétoche parce que faire une chronique humoristique devant un humoriste, c'est comme faire l'amour avec une gynécologue. La barre est haute, si j'ose dire. Et quel humoriste ? T'as Régis, déjà fait l'amour avec une gynécologue ? Avec plusieurs. Ah bon ? Moi, c'était pas une de mes meilleures expériences. Et quel humoriste ? Régis, avec votre comparse Philippe Chevalier, vous faites rire la France depuis plus de 30 ans. Vous êtes les Jacob de la Font de la vanne, les Roux Combalusier de la blague, les Tiff et Tondu de la rigolade. Régis, au fil des ans, vous êtes forgé un personnage de clown blanc barbu, à mi-chemin entre le bonnet et le satire, l'improbable fils qu'aurait eu Fernand Reynaud et l'ancien ministre socialiste Jean Auroux, célèbre pour son collier de barbe et pour sa loi sur le travail, à une époque où il y en avait. Régis, de vous, on sait très peu de choses. Vous êtes un vrai Parisien, né dans ce 14e arrondissement, cher à Michel Audiard et à Georges Brassens. Vous avez fait les Beaux-Arts, ce qui vous a permis de mater des filles à poil gratos pendant toutes vos études. Vous aimez le vin, vous aimez les voitures de course et les pilotes de F1. Vous êtes incollable sur le palmarès de Jackie Stewart, sur les sorties de route de Jacques Lafitte, sur les chronos de Johnny Servoz-Gavin et d'Ayrton Senna. Après avoir rencontré Chevalier dans un cours de théâtre, vous avez fait les beaux jours du Petit Théâtre de Bouvard ou du Théâtre du Petit Bouvard, je ne sais plus. Ensuite, vous avez enchaîné les spectacles et les sketchs dont les répliques sont connues par des générations de Français. C'est vous qui voyez ou bien il y en a qui ont essayé mais ils ont eu des problèmes. Je fais très mal, je suis désolé. Sont devenus des classiques, des hits, des slogans, des expressions populaires. En revanche, vous êtes très discret sur votre vie privée. Eh oui, je sais qu'en ce moment, Régis... Vous traversez une période difficile. Oui, Philippe Chevalier s'est marié cet été. Et pas avec vous. Avec une femme. 30 ans de vie commune et c'est une autre qu'il a menée devant monsieur le maire. Ça doit pas être facile. Mais je suis certain que c'est toujours vous qui préfère en secret. Et puis vous êtes déjà recasé. Elle le disait avec Francis Huster. C'est dire si vous avez le sens de l'humour. Oui, vous allez jouer avec lui la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, À droite, à gauche, à partir de la mi-septembre au Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre, 7502 Paris, réservation au 01 42 33 09 92. Cette pièce, je ne l'ai pas encore vue, hein, ce qui ne va pas m'empêcher de vous en parler, comme tout bon critique théâtral qui se respecte. Donc, dans cette pièce, vous interprétez un chauffagiste de droite qui intervient pour réparer la chaudière chez un acteur célèbre de gauche. D'où confrontation. Alors, première question, Pierre Arditi n'était pas libre ? Non. Voilà. Et puis, cette pièce n'aurait-elle pas dû s'appeler À droite, rive gauche ? Non, j'ai un peu mal de réponse. Quoi qu'il en soit, bonne chance pour cette nouvelle aventure, Régis, et merci de votre présence parmi nous ce matin, monsieur. Merci. Ça pique, mais c'est bon. Régis Laspalès, c'est votre deuxième collaboration avec Laurent Ruquier, parce qu'il y avait déjà eu Landru, c'est ça ? Il y a eu Landru, oui, bravo. Hein. Ça m'a beaucoup plu. Servoz-Gavin, je suis sûr que ça vous a plu. Ah oui, alors là, voilà. Il fallait le citer, le savoir. J'ai joué Landru, oui, au Théâtre Marigny. Laurent Ruquier avait écrit la vie de Landru, c'est un personnage qui le fascinait depuis longtemps. Donc c'est la deuxième fois et il est encore question de chaudière. Ouais. Puisque je suis plombier. voilà. J'ai adoré cette pièce dès que je l'ai lue. C'est un peu tout ce que les gens n'osent pas dire sur la politique. On va être en plein cœur de l'actualité. Je pense qu'il va y avoir des... Ça va réagir... Dans la salle. Oui, ça va réagir assez fortement. Ouais. Oui. Et alors à la fin, est-ce que le plombier de gauche devient... Droite devient à gauche. C'est-à-dire, que... oui, le plombier, il est... Bon, alors l'acteur, c'est l'acteur Bobo, bien sûr. Il a beaucoup d'argent. Il est de gauche. Pierre Arditi. Il a une maison... Francis Huster. Alors, il a une maison somptueuse et... Moi, je me demande pourquoi il est de gauche. Et puis lui, comme je suis un ouvrier, il croit que je suis de droite. Alors, il croit que je suis de gauche aussi. Pardon. Il me dit, on est du même bord. Alors je dis non, moi je suis marié, j'ai des enfants. Il me dit non, mais du même bord politique, quoi. Alors je dis ah bah non, je suis pas de gauche. Moi je dis je peux pas être de gauche, j'ai pas les moyens, comme vous. Je vais m'incruster et puis dans sa vie et bon, il y a une vraie confrontation entre nous parce que lui c'est le type qui est ultra passionné par la politique. Il va vouloir parler avec moi parce que ça l'intéresse. Il voit pas des gens comme moi tous les jours. Nous non plus, je vous rassure. Alors je lui dis forcément, vous êtes toujours entre vous, les artistes, les chanteurs. Je lui dis, comme vous êtes tous de gauche, vous n'avez pas l'habitude de discuter avec des gens simples comme moi, normaux. Mais en fait, on va voir que peut-être je suis pas complètement droite non plus. Enfin bon. Et que lui n'est pas totalement à gauche. Voilà. Une certaine idée de la gauche, peut-être. Ouais. Mais enfin, là, Laurent Ruquier s'est lâché. Il a vraiment écrit tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'il avait. C'est vraiment lui. Et bon, c'est pas du boulevard. Hein. On dit c'est une comédie parce que bon, je pense que les gens vont beaucoup rigoler. Mais c'est. Il y a du sens, quoi. Il y a un face à face vraiment entre deux personnes, et puis il y a un grand texte. Je pense que là, Laurent... C'est sa meilleure pièce. Je sais pas, mais il a franchi un cap. Je crois, dans l'écriture. Oui, je crois que là, il est sur un registre un petit peu différent. Est-ce que vous avez des rêves d'acteurs qui ne sont pas réalisés, la Régine Palace? Oui, bien sûr, mais... S'il y avait une fée avec une baguette magique qui vous disait quel rôle vous aimeriez jouer? Bon, je sais pas, mais j'ai pas fait beaucoup de cinéma, pas autant que je voudrais, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées, mais comme c'est que le début, je commence, tout commence toujours, hein, pour nous. Vous avez quel âge? On va vous laisser avec notre invité. Voilà, parce que ça n'a rien à voir. Merci, café, Christine. Voilà, non, mais tout commence. Ça n'a rien à voir avec l'âge, le fait de commencer tout le temps. Dans nos métiers, on débute toujours un peu. Vous êtes toujours sur Europe 1, c'est pas la chronique de Raphaël Enthoven. Alors je vous présente Christine Bérou qui a décidé de vous donner des rôles au cinéma. Et oui. À votre mesure. Ah bah alors, et oui, parce qu'on parlait de Chaudière, moi c'est un peu comme ça que je me sens quand je suis en face de vous. Je suis extrêmement fan de vous et je vous ai choqué. Et je trouve que dans votre carrière, vous n'avez pas eu assez de rôles à la hauteur de votre talent. Et donc je voudrais voir ensemble ce qui se serait passé si George Lucas vous avait fait confiance pour la narration de la trilogie Star Wars. Vous avez un petit texte en face de vous. C'est votre moment, Régis. C'est une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux, les rebelles ont emporté leur première victoire sur le maléfique Empire Galactique. Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Waouh, bravo. Oh, c'est incroyable. Ah, je m'y croyais. La force est avec vous, Régis. Alors, je vous propose plutôt dans maintenant ce que ça pourrait donner avec de la romance, avec Anne comme partenaire. Qu'aurait donné la mort de DiCaprio dans Titanic si c'est vous qui aviez eu le rôle? Je t'aime, Jack. Ne fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Pas encore, est-ce que tu m'as compris? Mais j'ai tellement froid. Je ne sens plus mon corps. Écoute. Tu vas te sortir de là. Ah, on y croit, hein. Je vais chialer. Tu vivras longtemps, tu mourras très vieille. Pas ici, pas cette nuit, pas comme ça. Est-ce que tu m'as compris? Tu vas survivre, même si ça a l'air sans espoir. Promets-le-moi maintenant et ne romps jamais cette promesse. Je te le promets. N'abandonne jamais, jamais. Ah ouais. Bravo. Écoutez, waouh. C'est vraiment super, je crois qu'avec vous, Titanic aurait atteint son but, hein, celui d'être un véritable naufrage. Voyons voir maintenant ce que ça donne en anglais. Je vous propose d'incarner Robert De Niro dans la scène culte de Taxi Driver. You're talking to me? You're talking to me? You're talking to me? Oh non, alors là. Ah oui, si. Ok. Then, the else are you talking? Effectivement, on parle anglais, hein. I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Ah oui, on n'a pas envie de vous. Bravo, bravo. Non, non. Normalement, on est doublé quand on tourne. quand on tourne en anglais. On n'a pas envie de vous talker. Hein. Je serai doublé. Alors, c'est pour terminer en beauté, moi j'aimerais bien que vous nous disiez une vanne, une très bonne vanne qu'on a entendue ces derniers jours. Vous êtes prêts ? Action ! Ah, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Ah oui, je vois qui c'est. Vous êtes presque aussi drôle qu'Emmanuel Macron, bravo Régis ! Oh. Bravo ! Vous êtes embauchés. Mais c'est bon. On se retrouve dans quelques instants avec Régis Raspalès qui jouera dans quelques temps au Théâtre des Variétés une pièce qui s'intitule À droite à gauche de Laurent Ruquier. Et tout à l'heure, on appellera le théâtre pour réserver des places pour cette pièce, Régis. D'accord. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Alain Flelou, l'été fou continue jusqu'au 31 août, tu as Flelou ? Oui. Chin Chin, cet été ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour un euro de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou ? C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin, jusqu'au 31 août, c'est deux lunettes de plus pour un euro de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Carrefour. Claire, fais vite de la place dans le frigo, parce que chez Carrefour, on économise un max sur les grands formats. Ah ouais ? Bah ouais, par exemple, jusqu'au 5 septembre, pour 4 packs de bouteilles d'Oasis achetées, t'as 2 packs gratuits. 2 packs gratuits ? Énorme. Et c'est comme ça pour plein d'autres produits. T'as raison, on va faire de la place, mais ensemble. Ah bon ? Jusqu'au 5 septembre chez Carrefour, profitez d'un max d'économies sur les grands formats. Par exemple, pour 4 packs de bouteilles d'Oasis achetées, 2 packs gratuits. Valable sur le pack de 2 fois 2 litres, détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Au salon du véhicule des loisirs. J'ai changé mon camping-car, alors j'attends le 24 septembre avec impatience. Ah oui, pourquoi ? Ah bah c'est le salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris Le Bourget. Le plus grand salon de France avec plus de 1000 véhicules exposés. Alors là, je suis sûr d'y trouver exactement le camping-car que je veux. Oui, mais au niveau prix, c'est comment ? Bah, prix salon, prix canon. Du 24 septembre au 2 octobre, au salon des véhicules de loisirs de Paris Le Bourget, découvrez le plus grand choix de camping-cars, caravanes et mobilhomes. Bloquez déjà vos dates. Le zéro, ça vient des Grecs, non ? Mais non, le zéro, c'est les Indiens. Alors, tout le monde le sait. Non, le zéro, c'est les Arabes ou les Chinois. Les Indiens. Excusez-moi. Bah si, les Chinois. Excusez-moi. Est-ce que je vous écoute à la suite ? En fait, c'est Ford. Ah oui, ah. On en a parlé. En août seulement, découvrez le crédit à 0% sur la gamme Ford et profitez de remises jusqu'à 5 800 €. Crédit auto 0%, 2 000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 €, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit si acceptation du dossier selon stock disponible, voir Ford.fr. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Tous les mercredis, nous recevons un invité. Aujourd'hui avec nous, nous avons Régis Laspalès. Bravo. Qui vient bientôt jouer au Théâtre Antoine, une pièce de Laurent Ruquier, à droite, à gauche, autour de la table, Christine Bérou. Hey, bonjour. Et Chris Deslandes. Oh, bonjour. Mais les Chris. Oui, c'est Chris et Chris. Il faut s'appeler Chris pour être dans cette émission. Alors, Régis Laspalès, vous n'êtes pas quelqu'un de bavard. Hein? Oh. Oh, quand même. Ça dépend. Disons que je suis un peu réservé des fois. Alors je vais vous faire une interview facile. Vous n'aurez qu'à choisir une réponse parmi celles que je vais vous proposer. Et si aucune ne vous convient, vous utilisez votre joker en me disant c'est vous qui voyez. D'accord. Régis, première question. Régis, c'est facile de vous énerver. Il suffit de vous parler d'argent, de vous parler de politique ou de vous parler De me parler. Vous aimez pas qu'on vous parle ? Si, si. Mais vous aimez pas trop parler quand même. Ça dépend. À qui ? Mais quand même, il est rouge, hein, il est rouge non. Comme votre robe, Anne. Mais je crois qu'il est arrivé, il était déjà rouge. J'ai chaud, j'ai chaud. Non, ça dépend, ça dépend. Ça dépend à qui ? Ça dépend des gens. Des fois, dans la rue, je parle. Les gens vous parlent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent dans la rue, les gens ? Ils me disent bonjour, ils discutent. Voilà. Et vous parlez avec eux ? S'ils me disent bonjour, je leur dis bonjour. Bonsoir. Bon, sinon, je dis rien. Sinon, vous dites rien ? Sinon, ça dépend. Je peux discuter une demi-heure ou rien. Ah oui, c'est tout l'un ou l'autre. Ouais, si je sens pas la personne... Vous discutez je pas. Je me sauve. D'accord, souvent vous sauvez... Ah mais je suis timide, hein. Ah bah oui, ça se voit. Des fois. Et si vous sentez la personne, vous pouvez parler une demi-heure. Oui. Vous parlez de quoi ? Bah, je réponds aux questions des gens. Voilà, c'était quand la dernière fois ? 94, un lundi. Boulevard Haussmann. Et vous nous sentez comment là aujourd'hui, ouais. Régis ? Vous nous sentez bien ? Bon, maintenant ils font un selfie, puis voilà. Hein. Et vous n'avez pas de téléphone portable ? Ah non. Non ? J'attends que ça soit au point. Mais comment on fait pour vous joindre alors ? J'ai le téléphone, j'ai un répondeur. Un répondeur ? Mais plus personne n'a de répondeur. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, il y a moins de gens qui m'appellent. Toi, vous n'êtes pas emmerdé en même temps. Depuis que vous êtes célèbre, Régis Aspalès, c'est pas facile de dîner tranquillement au resto, d'aller faire vos courses au supermarché ou d'être harcelé par les paparazzi qui veulent vous photographier à moitié nu avec votre dernière conquête sur une plage d'Ibiza. Oui, non, mais ça, j'y vais pas, donc on va dire... N'y allez plus. Non, on va dire le supermarché. Le supermarché, ouais. Et aussi que vous allez en vacances. Je prends pas de vacances en général. Vous restez près de votre répondeur. Bah oui. Bah oui. S'il y a un appel urgent, faut que je sois là, vous comprenez. Non, je prends des moments comme ça que j'improvise, mais je pas de vacances. Non, j'en ai jamais. Et vous n'avez pas d'ordinateur, bien sûr. Ah non. Oh là. Bah non, ça prend trop de temps. D'accord. Il est mystérieux. Non. Depuis que vous faites de la pub, c'est plus facile de payer vos impôts, de passer à la télé ou d'avoir une bonne mutuelle? Payer mes impôts. Qu'est-ce que vous faites facilement? Sauter un repas, sauter un rendez-vous chez le dentiste ou sauter sur une occasion? Sauter un repas, allez. C'est vrai? Pourtant, vous avez l'air de bien manger, enfin... Oh, c'est élégant, ça. Non, mais vous êtes bon vivant. Oui, mais... Je veux dire, je pense que... Fais attention. C'est Régime Laspalès. Ouais. Est-ce que vous avez plutôt des facilités intellectuelles, des facilités financières ou des facilités pour les difficultés? Les trois... Régis Laspalès, vous êtes facilement optimiste, facilement pessimiste ou facilement hésitant? Facilement pessimiste. Ah, vous voyez tout en noir? Des fois, ouais. Et qu'est-ce qui vous redonne le moral quand ça va pas, alors? J'attends le lendemain. En général, quand il y a un jour on est pessimiste, le lendemain, on est optimiste. Vous restez près de vos répondeurs, puis des fois, vous descendez dans la rue et parfois, des gens vous parlent. Et parfois, ils partent en courant. La vie de Régis Laspalès. Ça donne envie, hein. C'est facile de vous faire peur, Régis Laspalès, avec une araignée, un Pokémon ou une interview? Ah, une interview. C'est vrai, pour vous, c'est un calvaire? Je suis méfiant avec ce genre de choses. Même moi, vous méfiez? Non, bah non. Avec les questions et avec les réponses. Je serais pas venu. Vous pouvez facilement, Régis Laspalès, vous abstenir de voter, de boire ou de faire l'amour? De voter. D'accord. Il a pas hésité là. Hein. Vous faites facilement le difficile pour votre nourriture, pour votre confort ou pour le principe? Pour le principe. Et Régis Laspalès, c'est fini, c'était pas si difficile. Ah. C'est un bon moment, vous voyez, je ne suis pas une fille facile. Bravo. Anne Romanoff. Moi, je trouve, Régis Laspalès, que les gens ne savent pas à quel point vous êtes un très bon comédien. Bah, c'est vrai que vous avez joué des rôles très différents. Pignon dans Le Dîner de Cons, Landru. Et puis là, vous jouez un chauffagiste de droite. Chauffagiste. C'est très dur à dire, chauffagiste de droite. Et vous êtes un formidable comédien. Moi, j'aimerais beaucoup jouer avec vous des scènes cultes du cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Alors, on commence avec Quai des Brumes de Marcel Carné. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Nelly. Embrasse-moi encore. On continue avec Le Mépris, Jean-Luc Godard, Piccoli, Bardot. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Et mes cuisses? Aussi. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui, très. Et mes épaules, tu les aimes? Oui. Et mes bras? Et mon visage? Aussi. Tout? Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles? Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement? Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. Et on termine par un extrait de Domicile conjugal de François Truffaut. Alors Anne fait Jean-Pierre Léaud et Régis Delphine Seyrig. Est-ce qu'il y a des trompettes dans votre roman? Non. Est-ce qu'il y a des tambours dans votre roman? Non. Ah, bah alors vous avez qu'à l'appeler ça, vous avez qu'à appeler ça sans tambour ni trompette. Waouh. Là, Régis Laspalès, là, après ça, je pense que vous allez avoir plein d'appels de réalisateurs. Bah là, c'est bon. Carné, Truffaut et Godard vont vous appeler. Il faut que vous restiez près de votre répondeur, par contre. Ouais, bah je vais y aller tout de suite. Alors, la pièce de Laurent Ruquier parle de la droite et de la gauche. Bon, évidemment, on va pas vous demander si vous êtes de droite ou de gauche. Hein. Évidemment. Hein, on est très discret. Mais on va vous faire un petit jeu de droite, de gauche. Alors, à vous de me dire si, selon vous, ces propositions sont de droite ou de gauche. Vous êtes prêts? Ouais. Petite musique. À gauche. À droite. Alors, l'île de Ré, c'est de droite ou de gauche? De gauche. Correct. Les Labradors, de droite ou de gauche? De gauche. Ah, les deux. Ah, les deux. Tromper sa femme avec la babysitter, de droite ou de gauche? Droite. Droite? Ouais. Correct. Non, moi je dis que tromper sa femme avec la babysitter, c'est nul. Ah bon. Le glamping. Est-ce que vous savez ce que c'est que le glamping, Régis? Non. C'est la contraction de glamour et de camping. C'est le nouveau camping en vogue en ce moment, du camping chic. Alors le glamping, de droite ou de gauche? De droite. Non, de gauche. Ah, de gauche. Le pull rose noué sur les épaules les soirs d'été, de droite ou de gauche? De droite. Oui, mais à l'île de Ré, de gauche. Le 4x4 diesel en ville, de droite ou de gauche? De droite. Ouais, aussi. Le Luberon, de droite ou de gauche? Le Luberon. Ah bah le Luberon. Le Luberon, de droite ou de gauche? De gauche. Ouais. Le festival d'Avignon, de droite ou de gauche? Un peu de gauche. Moi, je dirais plutôt de droite. C'est quoi la droite? C'est les deux. Et les espadrilles, de droite ou de gauche? De droite. Pourquoi pas? Et enfin, la plus facile, Macron, de droite ou de droite? Ah, alors de droite. Bah ouais. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Régis Laspalès, on a décidé d'appeler le théâtre où vous jouez en ce moment, c'est le théâtre des variétés. Et on a décidé de réserver des places pour le spectacle qui démarre. Ça démarre quand ce spectacle, Régis Laspalès? Le 15 septembre. Eh ben, on va téléphoner. Alors, je vais commencer moi par téléphoner et après vous, vous téléphonerez, d'accord? D'accord. Bienvenue au service location du théâtre des variétés. Pour connaître. Théâtre des variétés, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais réserver, s'il vous plaît. Oui. C'est bien la pièce avec Philippe Chevalier et Régis Laspalès? Pas du tout, il n'y a que Régis Laspalès avec Francis Huster. Il n'y a pas Chevalier? Non. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne jouent pas dedans. Mais ils sont fâchés? Non, c'est juste que c'est pas une pièce où ils jouent ensemble. Mais c'est triste, un couple qui se sépare comme ça. C'est malheureux, ça. Il va pas venir des fois jouer à la place de Huster, Chevalier? Ah non, pas du tout. Oh, mince alors. Bah, c'est mon cousin qui va être déçu, parce que lui, il aime que Chevalier. Ah bah, dans ce cas-là, il faut voir une pièce avec Chevalier. Mais là, il y a que la Spalès. Oui, mais c'est comme la moitié, quoi. Alors, vous me faites un moitié prix sur les places? Pas du tout. C'est combien, les prix des places? Ça va dépendre de la date. Bah, je voudrais venir à la première, hein, pour voir... Peut-être qu'à la première, il y aura Chevalier dans la salle. Peut-être. Je vais voir avec mon cousin, ou je vous passe mon cousin pour savoir si il va... Parce que moi, je comprends plus qui c'est qui joue. Tiens, parle au monsieur. Je vous passe mon cousin. Tu crois? Oui. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, alors... Bonjour. Alors, c'est moi qui vais prendre les places. D'accord. Alors, oui, parce que je comprends rien, moi. Oui, non, parce que ma cousine est déçue qu'il n'y ait pas monsieur Chevalier... avec monsieur Laspalès. Alors, mais bon, vous dites que de toute façon, il y sera pas. Bon. Alors, elle voudrait deux bonnes places pour la première. Oui. Elle aimerait être très près parce qu'elle voudrait bien voir monsieur Laspalès. Et Chevalier, je veux voir. Non, Chevalier. Ben non, il est pas. Monsieur Laspalès a toujours sa barbe? Oui, toujours. Bon, ah bah oui, parce que déjà qu'il a plus Chevalier, s'il a plus la barbe. Tu verras mieux sa barbe au premier rang, oui. Peut-être. Au premier rang, c'est possible? Alors, au premier rang, non, j'aurai pas de place. Là, il va me rester qu'à partir de la rangée numéro 7. Ah. Bah je veux toucher sa barbe, moi. Bah peut-être après, non? On peut le voir après, toucher sa barbe. Peut-être, oui. Je l'attendrai à la sortie. D'accord. Et peut-être que je verrai Chevalier. Bah peut-être aussi. Alors, 4 places, alors au 7e rang. Hein. Voilà. D'accord. Au milieu. À côté de Chevalier. Parce que tu auras tes jumelles. Oui. Très bien. Avec les jumelles, on verra bien la barbe. La barbe. Puis après, je vais le toucher. Voilà. D'accord. Donc pour la pièce à droite à gauche, le 15 septembre à 21h. Voilà. Donc pour la première, 4 places en carré or, donc rangée numéro 7, au tarif de 60€, ça vous fait un total à 240€. Ah, quand même, vous pouvez pas me faire un petit rabais parce qu'il n'y a pas Chevalier? Ah bah non, là, malheureusement, moi je peux rien faire. Alors on va payer, ça vaut le coup, parce que moi j'aime cet artiste, le Laspalès, je l'aime. Hein, il est drôle, mais on dirait pas qu'il est drôle quand on le voit. D'accord. Il y a un entracte? Non, il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte? Bah oui, non. Mais comment il va... Parce que toi, avec ta prostate, comment tu vas faire? Tant pis, je me débrouillerai, j'amènerai... Tu mettras une couche. Une bouteille d'eau. Ou une couche. Monsieur, je vous laisse mon nom pour la réservation. Oui. Alors, c'est Roumanoff. Roumanoff. Voilà, et puis mon cousin, comment il s'appelle mon cousin? Laspalès. Laspalès, voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est bon. Merci, monsieur. Merci. Vous avez été très patient, hein. Ah, il le faut, oui. Et donc, je vous présente l'Aspalès. Vous vendez beaucoup de places, ça se passe bien, les réservations? Ça se passe très bien, oui. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup, à bientôt. Bah, je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Mais c'est bon. C'est déjà la fin de cette émission. Oh, oh là là. Merci, Régis Aspalès, d'avoir été notre invité. Merci. Merci, Anne. Merci à tous. Merci, Christine Béroux. Merci, Chris Deland. Merci, Régis. On se retrouve demain, dès midi, pour une nouvelle émission de Sac. Mais c'est bon. Demain, j'appellerai le Parti Socialiste pour m'inscrire à EO la gauche. Et vous verrez, ça n'est pas évident, ils sont pas très au courant. Tout de suite, vous retrouvez Maxime Sweetek. Très bonne journée à vous. Géant. La rentrée à prix bas, c'est Géant. 10 sur 10 sur les économies. Et mention très bien sur les prix bas chez Géant. Jusqu'à jeudi, recevez un bon d'achat de 30% sur tous vos achats de cartables et sacs scolaires. Et avec votre carte fidélité, cagnottez 10% supplémentaires. Avec Géant, vous allez adorer la rentrée. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable dans tous les magasins du 26 août au 4 septembre. Avec Maxime au gymnase. Oui, il porte un survêtement Delegno d'Adidas. Très léger et résistant, il permet à Maxime de faire de beaux mouvements. Ah, il s'apprête à réaliser sa figure préférée. Oui, un délicieux poirier. Ah, il a la pêche. Chez Decathlon du 17 août au 24 septembre, préparez la rentrée à petit prix avec le survêtement Delegno garçon d'Adidas à 24,99€ au lieu de 39,99€, soit 35% de remise. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Allez au théâtre avec Europe 1, à l'affiche du théâtre Édouard VII à Paris, Tout ce que vous voulez, la nouvelle pièce des auteurs du prénom avec Bérénice Bégeot et Stéphane de Groot. C'est à partir du 13 septembre, inscrivez-vous via le club Europe 1 sur europe1.fr dans la limite des places disponibles. C'est la rentrée chez Gémeaux. Ils sont imprimés, colorés, tendance. Les t-shirts Gémeaux filles et garçons à 2,99€. Elles sont vraiment fun, les running Gémeaux, à 9,99€ seulement. Et oui, la rentrée des classes avec Gémeaux, c'est vraiment classe. Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. Offre valable du 17 août au 11 septembre. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la Première Ligue et la Liga Portugaise en exclusion.